duma palza, no kuise de grome, po puja no taita, no kuise valime, halba nie triki, se mame chare, istame wszystkie cichy, pierdolono era teka. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest, rien de nouveau. On va retourner cette fois-ci encore une fois en Pologne, mais pour l'attaquer sur un angle inédit, en tout cas dans cette émission, puisque nous allons parler aujourd'hui d'anarcho-punk. Salut Souris! Salut Milky et salut tout le monde. Alors, un peu d'anarcho-punk, on sort un peu de la OICO aujourd'hui, hein? Ouais. Bon, après, on passe pas que de la oeil non plus, Non, non, c'est vrai. mais ouais, bon, écoute, un petit thème de temps en temps, c'est toujours chouette. Oui, c'est Alors, clair. après, l'anarcho-punk en tant que tel, vraiment avec cette étiquette-là en Pologne, c'est plutôt récent. Après, évidemment, il y a des groupes qui, en eux-mêmes, par leur, aussi bien musicalement que par leur prise de position, en effet, on peut carrément les décrire comme anarcho-punk, mais pas vraiment, je pense que, tu vois, le anarcho-punk comme nous, on l'entend, quoi, je Ouais. pense que c'est quand même assez différent, ou alors c'est venu vachement plus tard, quoi. Et on va commencer avec les scrogneugneux de Barricade. Oui, voilà. Donc, Barricade. Un groupe de Tarn Objeg, j'espère que je prononce ça correctement. Les gars, il y a je ne sais pas combien de consonnes à la suite, donc désolé. Un groupe de la fin des années 90, et ouais, le morceau, alors ça m'a trop fait marrer parce que oui, ça me fait penser à Scrogneugneu, Scrogneugneu, et ça veut dire abri. Nigdy nie zawsze można uciec, schować się przed życiem, przed jego ciężarem. Zdobyć nowe siły, by dotrzeć się zamknięty, czuję się wolny. Tam powstają stanicy mojego życia. Betonowej gównie znajduje się miejsce, które czasem jest rajem. Tu betonowej gównie znajduje się miejsce, które czasem jest rajem. C'était Barricade avec Scrogneugneu. Et nous allons maintenant rester dans les aller dans les années 80 avec Abaddon. Ouais, Abaddon, un groupe de 82 qui joue au fameux festival de Yarochin en 83. Split en 87, reformé en 2001 pour sortir un nouvel album et qui split définitivement en 2005. Voilà, vous avez Toute leur comment dirais-je? carrière. Voilà, merci. Toute leur chronologie. J'arrivais pas à trouver le mot. Alors ils avaient un premier nom qui était Partisanska Mienska qui veut dire guérilla urbaine. Puis après, ils ont changé pour Abaddon. Alors, un truc assez marrant, mais au final, quand même pas si Pas si rare. marrant. Ah. Oui, et puis pas si rare, parce que souvent, hein, leur premier album, Vet Zavet, il est sorti en 86, et en France uniquement, quoi. Et l'édition polonaise, elle est sortie qu'en 91, une fois que le régime communiste, en fait, est tombé, quoi. D'accord. Et oui, c'était pas si rare, puisque souvent, ils ne pouvaient pas sortir de musique dans les pays de l'Est, quoi. Il y a plein de... On a déjà fait On a déjà fait parler plein. de ça, ouais, comme par exemple le fameux album, là, Rockin' Soviet, et tous les trucs comme ça, où en fait, la musique était sortie sous le manteau de ces pays-là, et après, pressée ultérieurement dans les pays de l'Ouest, et en l'occurrence, pas mal, assez souvent en France, quoi. Voilà, bon bref, fin de la petite parenthèse. Du coup, le morceau, c'est Vetzavet, qui se traduirait par un prêté pour arrondu. En gros, il pourrait être dent pour dent, quoi. Voilà pour Abaddon, Vetzavet. Et maintenant, nous allons enchaîner avec les mythiques déserteurs de Varsovie. Ouais, donc impossible quand même de faire une émission sur l'anarcho-punk en Pologne sans mettre du déserteur, quoi, ça serait franchement bizarre. Je pense que c'est vraiment un des premiers groupes auxquels on penserait directement, quoi. Donc c'est en premier lieu, ils ont été fondés en 81 à Varsovie sous le nom de SS, attends, là, Dwadzieścia. Pareil, j'espère que je ne l'ai pas trop massacré. Donc, en gros, c'est SS20, ce qui était en gros le nom de missile soviétique, quoi. Donc, évidemment, ça n'a pas trop plu aux autorités communistes qui ont fait en sorte que leur nom soit changé, quoi. Et donc, ils sont rebaptisés Déserteurs. Donc, ouais, c'est un des groupes les plus influents, en gros, du rock polonais. Eux aussi, ils ont joué à Yarochin, comme beaucoup de groupes. Et bon, de toute manière, voilà, bah, ça. Super, comment dire, décidément, j'ai plus mes mots aujourd'hui, là, pouf, mon cerveau ne suit pas. Ouais, donc, un des groupes les plus connus, je vais en rester là, du coup, ça Oui, m'évitera et puis de de toute façon, m'humilier plus avant. on en a déjà parlé tout plein en plus. Voilà, c'est vrai, on en a parlé bien plusieurs fois de Oui. déserteur. Ok, du coup, j'ai choisi deux titres. Alors, un qui est très récent, c'est Idi, et c'est une référence au fameux Idi Nahui, des Ukrainiens qui ont envoyé chier les Russes quand ils sont venus les envahir et les bombarder, et qui est devenu un slogan, quoi, et qui veut donc dire allez vous faire foutre. Et le deuxième titre, c'est Racisme, donc je pense que tout le monde peut comprendre, et avec donc Nika, la chanteuse de Post-Regiment, qui chante sur le morceau. zasadzające takie działania. C'était les déserteurs avec Idi et Racisme. C'est ça, un hein, racisme. Ouais. Et nous allons poursuivre avec Homo Militia. Ouais, alors un groupe ouvertement queer, formé à Łódź, avec un premier album en 92 qui était sorti en cassette. Après, il y a eu un moment entre 95 et jusque très récemment, quoi, où il n'y a pas eu grand-chose. Mais en tout cas, honnêtement, faut avoir le courage de s'appeler Homo Militia et d'être ouvertement gay queer en Pologne. Donc dès les années 90 et même encore maintenant, quand on connaît leur gouvernement, n'est-ce pas? C'est clair. Voilà. Donc, toute mon admiration. Le morceau, c'est une intro et le morceau à coller, hein, puisque de toute façon, les séparer, ça serait un peu difficile. Donc, c'est intro et to możliwe jest tylko tutaj, qui veut dire intro et c'est possible seulement ici. Et on va enchaîner après avec un morceau d'un groupe qui s'appelle Kaumstu. Fou. Qui est presque Kwanstwo, Kaumstu. qui veut dire mensonge, un groupe de Knurów qui date de 98 avec le morceau Trochée qui veut dire lâche. Thank you. krzyczeć, boicie się milczeć? Boicie się marzyć, boicie się śnić, boicie się myśleć, boicie się oddychać, boicie się działać, boicie się żyć, boicie się umierać, boicie się nie bać. Wielki problem małych ludzi, co pomyśli? C'était Homo Militia avec Tomasz Wojewódz, Jest tylko twoja et Twam Two avec Tworche. Pas mal, hein? Le prochain. Le... J'ai ça à blanc pour que les gens ils aient le temps de voir ce qui s'était passé et de se remettre. Tu vois, mais le truc, c'est qu'ils ne voient pas l'écrit, du coup, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'imaginer. Non, personne ne sait. L'horreur. C'est dur. De... Et pourtant, hein, c'est notre alphabet. Hein. Et heureusement, imagine. Et nous, on va poursuivre avec Liberum Veto. Moi, j'allais dire, tu vois, j'allais dire, tu vas moins galérer avec le nom du prochain. Ouais. Ouais, un groupe de groupe JC. Fondé en 92 et le titre c'est Dead Inside. Hey, what's up? C'était Liberum Veto avec Dead Inside. Tout à l'heure, on parlait de Post Regiment, puisqu'ils avaient Eh fait ben. un... La chanteuse avait fait un featuring avec le déserteur, et maintenant, c'est à eux d'être mis en avant. Ben, c'est ça, parce que ben, pareil, en faire une spéciale anarcho-punk polonais sans mettre du post-reggae, ça serait aussi très très bizarre. C'est aussi un groupe très connu, formé en 86 à Varsovie, qui a débuté hein, avec un chant masculin et ensuite qui est passé à un chant féminin, donc avec Nika, dès 87. Et le groupe s'est arrêté en 2001. Du coup, j'ai mis deux morceaux, c'est Słowa o, les mots sur, trois petits points, et Farus, taux de la chiébie, qui veut dire Farus, c'est pour toi. Pustych oczach, w C'était Post Regiment avec Fouawa O et Farus Todla Chiebe. Et on va finir avec deux morceaux de deux groupes différents. Le premier groupe, c'est Stradum Terror. Ouais, un groupe de J'échauffe. Et alors, le morceau, c'est assez rigolo parce que bah, voilà, le morceau s'appelle Polak. Et le deuxième groupe, c'est Wokati, un groupe quand même pas mal connu aussi, en tout cas sur la scène anarcho-punk, très, enfin, très politisé, quoi. Ouais. Un groupe de 80, formé en 87, ouais, à Tchétchène. Pareil, qui ont aussi joué au festival de Yarochin, dis donc, dis donc. Piste Et, et le morceau que j'ai choisi, c'est Shvartarano, qui veut dire 4 heures du matin. précisons si c'est besoin, c'est qu'il y a plusieurs quand même éditions à Yahoo. Ah oui, bah oui, Oui, parce que sinon, ça non, mais peut parce que être sinon ça sympa. fait un festival qui dure 3 semaines Ouais, c'est avec tous clair. les groupes qui sont passés. Ouais, tu Donc là, m'étonnes c'est parce que. Yahoo 93. Ouais, Yarochin, je pense qu'on en parle tellement souvent, et pas que pour les groupes polonais, hein, parce que y a quand même, y avait d'autres groupes aussi du bloc soviétique qui venaient. Parce que Yarochin a commencé avant la chute du régime communiste, quoi. Wszystko co według ciebie jest złe. Alkohol dodaje ci wiary w siebie. Czyni cię mężczyzną. I co? Czekają na rozkaz. Wystraszone dzieci, zerwane ze narodem. Śmiewają twoje racje. Stukają się w czoło. Mówią, nie przeszkadzaj. Lecz czy możesz milczeć, gdy widzisz, co się na tym świecie wyrabia? Zawsze wyszerzej. Otwieram oczy. Gdy widzę wyraźnie, że ziemia jest biedna. Zawsze wyszerzej. Otwieram oczy. Widzę wyraźnie, że ziemia jest biedna. Kajdankami skuci szaceni do osób. Zostaną usunięci, a śmieci wywiozą ich za granicę z tego kraju. Bezbronnych jak małe dzieci. Nie staną nikt w obronie ich praw, bo to tylko rumuńscy cyganie. Są brudni i psują widok miasta. Przebywają tu nielegalnie. Taki olor oczu, taki olor twarzy. Ja cię osądzę, ja cię skażę. Bez głosu życia nieoficjalny. Uznam, że jesteś Et c'est ainsi que se termine cette émission avec Stradum Terror et Fuochate. Merci Souris pour la préparation et la co-animation de cette émission. Ben, comme d'hab, avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Restez Salut. À l'écoute car la voix de la Hoy ne s'éteint pas. Salut. Et voilà. Okido.